Mais ce qui m'arrive, je délire. Je perds la tête, pour moi, c'est pas la fête. Mais je sais, ça va passer, ça va passer, ça va passer. En attendant, je ne vois rien de plus pire de ce qui m'arrive. Ce dont j'ai envie, c'est de rugir, m'éclater la tête, faire sauter la planète. Mais je sais, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Je n'ai plus ma boussole, oh bon sang, bon Dieu. Juste un petit signe pour me faire sortir de cette tempête et du noir que j'ai en tête. Je sais, ça va passer, ça va passer, ça va passer.